Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge, et DS Connected Pilot ouvrant la voie à la conduite semi-autonome, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Plus d'informations sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 11 mai de quelle année ? De l'année 1865, Raphaël. Il y a 153 ans aujourd'hui, nous sommes à Paris, près de la toute nouvelle gare Saint-Lazare, pour l'ouverture des grands magasins du printemps. On connaissait déjà le Bon Marché, les grands magasins du Louvre. C'est un certain Jules Jaluzeau qui décide d'investir à son tour et c'est la dot de sa femme qui lui a permis de se lancer. Dites-moi, c'est un énorme investissement. Oui, énorme et risqué. Le quartier n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Il est simplement en développement à l'époque. C'est donc un pari largement gagné, finalement. Il faut dire que Jules Jaluzeau n'a pas fait les choses à moitié. Il a vu grand, il a confié à l'architecte Jules Cédille la conception d'un bâtiment hors norme, immeuble superbe au service d'un seul principe. Simple principe d'ailleurs, vendre de la qualité à bon marché et à prix fixe, ce qui à l'époque était très rare, pas de marchandage, la devise du printemps est « et probitate decus », c'est-à-dire « mon honneur, c'est ma probité ». Et dites-moi, quel est l'accueil du public ? Ah ben c'est un excellent accueil, c'était tout nouveau tout ça à l'époque bien entendu. Le grand magasin va bénéficier d'un rayonnement mondial, d'une réputation de raffinement. Écoutez ce qu'on en dit dès 1869 dans un article de l'Illustration, je cite « voici quelques nouveaux modèles des grands magasins du printemps. En les mettant sous les yeux de nos lectrices, nous avons la certitude de leur être agréable. C'est élégant, gracieux, riche et simple à la fois. Je devrais prendre le ton et du meilleur goût. » Vous y êtes presque, vous y êtes presque. Bon, pour revenir au bâtiment, est-ce que c'est celui que l'on connaît aujourd'hui ? Alors, c'est pas tout à fait. En 1880, il y a un incendie qui va détruire le plus gros et paradoxalement, ce sera la chance du printemps. Paul Cédille, le fils de Jules, va opter pour le fer et le verre et construire un nouveau magasin ultramoderne, celui que vous connaissez donc. Il va falloir attendre 1908 pour admirer le somptueux vitrail d'un concurrent voisin, les Galeries Lafayette, qui alors vont faire beaucoup, beaucoup de concurrence au printemps. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, et nous essaierons de départager Cook et Perry dans leur conquête du pôle Nord.